AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Entre les pavés, les jardins ouvriers, la ville ne se construit pas en opposition au végétal, en ville aussi, et dans les faubourgs. Il s'agit de biner, de bêcher, de sarcler pour ensuite récolter salades, carottes, radis, patates, de quoi réaliser de belles économies et sans doute prendre du plaisir. Il faut mettre du cœur à l'ouvrage et dans leurs jardins, les ouvriers le mirent, bien loin des grands et beaux châteaux. Si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. Évidemment, Candide de Voltaire au XVIIIe siècle, il faut cultiver notre jardin. Bonjour Charles-François Matisse. Bonjour. Ce ne sont pas des cédrats confits et des pistaches cultivés dans les jardins ouvriers. Potager traditionnel, qu'est-ce qu'on y trouve? Oh, on y trouve un peu de tout, des carottes, des choux, évidemment quelques arbres fruitiers aussi pour agrémenter la table, et ce dès le départ. Mais en tout cas, très peu au départ de fleurs. C'est vraiment beaucoup une production vivrière qui est privilégiée. On peut souligner tout de suite que la ville n'est pas en opposition avec le végétal au sens où l'histoire urbaine, mais sur des millénaires, se construit avec des espaces cultivés. Oui, très clairement. Alors ça, c'est une évidence qu'on a voulu montrer dans un ouvrage avec Emiliane Pépi. Le végétal est inséparable en fait du développement de la ville. Alors pour dans plein de dimensions, que ce soit des dimensions de décoration, d'esthétisme, de récréation, mais aussi bien sûr donc de production alimentaire. L'agriculture urbaine, si on la définit comme un système de production agricole inséré dans l'espace urbain et périurbain, est là dès les départs de la ville parce que c'est la ceinture maraîchère périurbaine et les cultures autour de la ville qui alimentent la ville elle-même. Cet ouvrage que vous avez coécrit avec Émilie-Anne Pépi, c'est La ville végétale, histoire de la nature en milieu urbain en France, 17e siècle, 21e siècle, donc c'est toujours d'actualité. Il est publié chez Champvallon. Avec quel type de culture dans la ville? C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas bénéficier d'un petit bout de terrain. La ville, ce sont des constructions en hauteur. Comment les gens s'y prenaient-ils? Alors, bien sûr que il y a donc différents types de production. Il y a les professionnels, donc des maraîchers qui sont installés donc en ceinture périurbaine, mais parfois aussi vraiment dans le tissu urbain lui-même, qu'on pense au Marais de Paris, par exemple, avec des cultures intensives, on pourra y revenir. Et puis, il y a des particuliers, parfois, qui cultivent. Et là, évidemment, il faut un jardin, donc il faut des moyens. Et donc, c'est réservé à une certaine élite sociale. À la fin du XVIIIe siècle, par exemple, dans le cadre d'une espèce de retour à la terre un peu rousseauiste, on voit se développer un attrait de la part d'une certaine élite, d'une certaine noblesse, pour des cultures de... Alors, beaucoup d'agrumes. On aime beaucoup, évidemment, cultiver des oranges, des citrons, parce que ça coûte cher et que c'est une manière de distinction sociale. Vous offrez à vos amis vos propres productions, vos abricots aussi. Les premiers abricots à Paris sont vraiment vers la fin du XVIIIe siècle, dans des grands jardins comme ceux du duc de Piron, et c'est une manière donc d'affirmer un petit peu votre singularité. Alors vous offrez des paniers à vos amis ou vous les invitez évidemment pour déguster vos propres productions. Ce qui veut dire que dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, il peut y avoir un espace réservé au potager. Alors là, le potager, un peu d'ostentation pour offrir des produits rares et puis aussi, j'imagine, pour la consommation de l'habitant, bien sûr, au plus près. Bien sûr, il y a beaucoup de motivations qui s'entremêlaient, il y avait donc à la fois cette dimension de plaisir personnel, tout simplement, d'avoir des produits qu'on connaissait, qu'on appréciait, et puis aussi donc cette dimension de distinction que j'évoquais auparavant. et également des professionnels à l'intérieur de la ville. Vous évoquiez le Marais à Paris, mais on sent qu'il y a plein d'espaces et on le retrouve encore dans la typonymie urbaine avec des prés Saint-Gervais, etc., etc., pour y mettre des vaches, entre autres, mais pas seulement. Dès qu'il y a de la terre, on peut cultiver un peu. Oui, exactement. Et ces ceintures maraîchères qui entouraient les villes étaient très importantes. Quand on a préparé l'ouvrage, je me suis beaucoup amusé à lire le témoignage d'un paysagiste écossais qui s'appelle John Claudius Loudon, qui a fait un tour de France dans les années 1810, au début des années 1820, pour écrire une encyclopédie agricole. Et il rencontre un maraîcher autour de Rouen, qui était un personnage visiblement assez rébarbatif. C'était un monsieur de 80 ans, sans dents, les yeux rougis, pas très sympathique, qui répondait en patois aux questions que lui posait Loudon, parce qu'il se méfiait un petit peu de cet étranger qui l'interrogeait. Mais Loudon arrive quand même à découvrir un peu ce que cultivait ce monsieur. Et la variété des productions qu'on découvrait était incroyable. Aussi bien des melons que des figues, on est quand même à Rouen, des asperges, des choux-fleurs, enfin bref, toute une énorme variété qui alimentait bien entendu le marché rouennais. Et ceux qui ne disposent pas d'un tout petit bout de terrain, comment font-ils? On peut cultiver dans des pots? Alors, pas grand-chose. Un plant de tomate. Voilà, oui, éventuellement. Mais il est clair que les plus pauvres étaient, jusqu'à l'installation des jardins ouvriers, étaient pour la plupart exclus de ces pratiques. Sauf, alors parfois, peut-être dans certains espaces interstitiels où il pouvait y avoir des cultures un peu sauvages. Par exemple, il est probable que dans les glacis de certaines, enfin entourant certaines villes au niveau des remparts, qui étaient censés donc être des espaces totalement ouverts pour, bien sûr, protéger la ville et voir arriver l'ennemi, bien que les autorités militaires parfois laissaient certaines cultures se faire, des petits potagers qu'on mettait en place ou des petites quelques plants qu'on faisait pousser un peu sauvagement avec l'accord tacite des autorités militaires. Oui, c'est-à-dire qu'on est au pied des fortifications dans la zone et là on peut cultiver un petit peu. Ça permet de réfléchir d'ailleurs à l'approvisionnement des villes. Pourquoi cultiver en ville? Alors, bien sûr, c'est sympathique d'avoir un hôtel particulier avec un espace réservé au potager, mais il y a la question de l'approvisionnement. C'est ça aussi. Ça peut pallier à un manque d'approvisionnement. Alors, bon, pour ce qui est de la noblesse, pas vraiment, enfin, c'est plutôt une manière d'agrémenter, disons, le quotidien. Bon, pour les plus pauvres, encore une fois, c'est à peu près inexistant. Et puis, alors, on peut voir, là aussi, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, dans des villes pas trop denses, l'existence de certaines maisons appartenant à des gens de catégorie intermédiaire, moyenne, qui possèdent à l'arrière de leur maison des petits jardins, souvent des jardins potagers. Et qu'il a très clairement bénéficié de cela pour, alors là encore, pour améliorer leur quotidien. Par exemple, on a c'est difficile de découvrir évidemment ces jardins, mais on a quelques témoignages par des archives notariales ou autres. Par exemple, à Besançon, d'un monsieur qui, à la suite d'un incendie, a déclaré des pertes d'arbres fruitiers ou de potagers. Donc on voit qu'il y a quelques productions qui très clairement permettent sans doute à certains de tenir, surtout dans des périodes un peu difficiles. Charles-François Matisse, la question des sources se pose toujours pour l'historien, pour l'historienne, et dès qu'il s'agit des jardins, alors au plus près des gens qui ne sont pas censés laisser de traces dans l'histoire, faut-il chercher? Donc là, vous dites chez les notaires, on peut trouver quelques traces, et ailleurs, dans quel type d'archives? Alors, dans des traités agronomiques, par exemple, on a aussi des syndicats qui sont créés, par exemple, le syndicat des maraîchers de Paris existait, et il nous apprend, par exemple, qu'en 1900, on a encore, alors qu'on est à un moment, on y reviendra sans doute, mais où le progrès des transports, le progrès des transports frigorifiques aussi, permet évidemment une certaine déconnexion des lieux de production et des lieux de consommation. Mais malgré cela, on découvre qu'en 1900, il y a encore un certain nombre de maraîchers qui existent juste à côté d'usines, de voies de chemin de fer, notamment à Saint-Denis, à Clichy, à Saint-Ouen. C'est une histoire qui s'écrit sur le temps très long, évidemment, avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Viviane Griveaux-Geneste, bonjour. Bonjour. Dès que nous parlons de ces potagers, de ces jardins, la question de l'approvisionnement, c'est au cœur du problème. Bien sûr, à partir du moment où il y a le train, on peut faire venir des choses de loin, mais auparavant, c'est bien compliqué. Et puis c'est fragile quand même, des légumes, donc autant les faire pousser au plus près. Ça, c'est aussi quelque chose qui est au cœur de ce questionnement autour des jardins ouvriers. Oui, tout à fait. La question du circuit court, elle est au cœur du modèle du jardin ouvrier. Et on l'a vu, par exemple, pendant le confinement, En Seine-Saint-Denis, dans le 93, le préfet de Seine-Saint-Denis disait qu'on était au bord des meutes de la faim, parce que les marchés étaient fermés. Et donc, qu'est-ce qui restait ? Pour celles et ceux qui en avaient, c'était mon cas, il restait des jardins ouvriers. Et en fait, là, on redécouvre que la ville du XXe siècle s'est conçue grâce à la voiture et au pétrole. Et en fait, sur le temps long, puisque je suis aussi historienne du Moyen-Âge, sur le temps long, en fait, la ville a toujours fait le pari de la proximité de l'approvisionnement, parce que socialement, c'est très dangereux de se confronter à la faim. Ah ben, Viviane Griveaux-Genèse, vous êtes médiéviste et ingénieure de recherche au CNRS, membre du collectif de défense des jardins ouvriers des vertus à Aubervilliers. Mais que sont ces vertus ? Ah, eh bien, les historiens se posent justement la question. Donc, à Aubervilliers, on a une église qui commémore Notre-Dame des Vertus, où un vitrail fait mémoire d'un miracle de la Vierge au XIIIe siècle. Face à une sécheresse, la Vierge aurait pleuré et la pluie serait revenue. Ça nous rappelle, en fait, ce à quoi les sociétés tiennent dans le temps passé et ce dont on se rend compte aujourd'hui, que la pluie est une condition sine qua non. Donc, on a souvent dit que c'était lié à ça, que cette Notre-Dame des Vertus était liée à ce miracle, mais aujourd'hui, il y a des travaux d'historiens qui montrent que cette appellation, ce toponyme, on le retrouve dans des sources plus anciennes, donc qui seraient antérieures, et vraisemblablement, il désignerait une source dotée de vertus au temps pré-chrétien. Et ici, autour d'Aubervilliers, nous sommes juste à côté de Paris, mais au Moyen-Âge, nous sommes un tout petit peu plus loin de la ville parce que il y a vraiment cette lecture à avoir au plus près, mais des terres agricoles. On a dès le Moyen-Âge, dans cet espace-là, des cultures pour alimenter la grande ville. Oui, la plaine des vertus, puisque cette église a donné son nom à la plaine. La plaine des vertus, dès le Moyen-Âge, c'est un terroir d'approvisionnement majeur pour la ville. Et cette ville, en fait, il y en a deux. Il y a Saint-Denis avec l'abbatiale. Et Paris est déjà le débouché des maraîchers au Moyen-Âge. C'est un terroir qui est considéré comme un terroir à gros légumes, donc c'est-à-dire navets, raves, panais, puisque la carotte n'existe pas encore, et les choux. Et les choux des vertus jusqu'à du Moyen-Âge jusqu'au milieu du XXe, eh bien, c'est une appellation, le chou des vertus, c'est une sorte d'appellation AOC réputée. Il faut rappeler l'importance du chou dans le régime alimentaire de nos ancêtres. Savez-vous planter les choux ? France Culture. À la mode, savez-vous planter les choux ? À la mode de chez nous. Le cours de l'histoire. On les plante avec le pied. À la mode, on les plante avec le pied. Xavier Mauduit. Antoine Lagneau, bonjour. Bonjour. Dans cette réflexion que nous avons autour de la culture dans l'espace urbain, il y a la possibilité de développer les endroits où il est possible de cultiver. Nous parlons alors dans des cas très particuliers d'un potager dans un hôtel particulier, mais là c'est pour la haute aristocratie. Et puis parfois en périphérie, il va y avoir des maraîchers. Pour les individus, les particuliers, là aussi on trouve une grande déclinaison de possibles pour cultiver en ville. Oui, tout à fait. Alors, quand j'entendais vos invités depuis Besançon, l'agriculture urbaine, puisque c'est là-dessus en fait que l'on peut évoquer un petit peu la façon dont, comme vous le dites, les individus peuvent cultiver leur jardin en ville. L'agriculture urbaine qui est revenue en fait dans nos villes au début des années 60, 70 disons, permet aujourd'hui, de par sa multifonctionnalité, ses multiples formes, ses multiples fonctions, et de cultiver, je dirais, dans n'importe quel type d'endroit. Il y a une phrase qui a été prononcée tout à l'heure par l'un de vos invités qui disait que dès qu'il y a de la terre, ou c'était vous, Xavier Mauduit, peut-être, dès qu'il y a de la terre, on peut cultiver un peu. Et c'est exactement ça le propre de l'agriculture urbaine, c'est de permettre effectivement, c'est une agriculture qui a beaucoup beaucoup d'imagination, qui permet de cultiver sur tous les types de surfaces, sur tous les types de sols, et donc à partir de là, de pouvoir très clairement apporter un tant soit peu de comestibles à la ville. Mais tout est dans le un tant soit peu, malgré tout. Et un tant soit peu et intensif. Antoine Lagneau, obligatoirement, c'est une agriculture qui nécessite de faire pousser beaucoup de choses sur un tout petit espace. Si on veut effectivement dire que cette agriculture urbaine a une fonction productive, oui, effectivement, ça nécessite de produire peu de choses sur de petites surfaces. Mais on le voit bien dans justement dans ce que vous dites là, c'est qu'on a très peu de foncier en ville disponible. Et donc, produire beaucoup de choses sur peu de surface, c'est un défi majeur. Et je ne suis moi-même pas certain que ça soit véritablement ce qu'on recherche avec l'agriculture urbaine. Donc, après, aujourd'hui, on le voit avec le développement de tout un tas de technologies hein, et de la façon dont certains se sont emparés de l'agriculture urbaine pour en faire une agriculture high-tech. Et on voit donc bien qu'on peut passer à un stade très très productif. Mais ça reste, de mon point de vue, assez marginal. Charles-François Matisse, d'un regard d'historien sur cette histoire-là, la nécessité, là encore, de produire beaucoup pour s'alimenter, pour faire des économies, etc. Est-ce que ça correspond à cette agriculture urbaine ? Est-ce que les gens qui produisaient dans les villes, c'était particulièrement parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement ? Alors en fait, il y avait, je pense, un marché déjà de la ville. C'est-à-dire que là, avec des villes qui sont importantes, vous avez un marché important. Donc il peut être intéressant pour un certain nombre d'agriculteurs, même étant proche de la ville, de produire des cultures intensives à haute valeur ajoutée. Et c'est le cas justement des maraîchers que j'évoquais auparavant. Lorsqu'ils arrivent à la fin du XVIIIe siècle à forcer des légumes pour proposer des primeurs, donc très tôt, par exemple, on force l'asperge blanche en 1792, je crois, le chou en 1811, enfin, et la carotte en 26, je vous faire toute la liste, mais ça permet donc d'avoir des productions qui se vendent très cher, alors qui demandent bien sûr beaucoup de travail, mais on a les boues urbaines, on a un peu de main d'œuvre et donc on peut vendre assez cher des produits. Donc c'est pas, alors il y a une partie quantitative, mais une partie qualitative aussi, je pense, qui est importante dans la persistance de cette agriculture. Et ce qui est assez frappant quand on regarde quand on a ce regard d'historien, c'est que on pourrait imaginer qu'avec justement le développement des chemins de fer et des transports frigorifiques, en quelques dizaines d'années, on a une déconnexion entre lieu de consommation et lieu de production. Or, il y a une érosion, c'est vrai, mais vraiment une érosion qui est très lente. Par exemple, justement, ces fameux maraîchers, dans les années 20, on en a encore dans le 15e arrondissement, les années 1920, je veux dire. Donc, c'est vraiment un phénomène très lent, et il me semble que c'est après la Seconde Guerre mondiale que vraiment cette déconnexion s'opère. Avant, un retour, comme le disait M. Lagneau, dans les années 70. Viviane Crivaux-Genest. En réalité, cette spéculation en fait sur la proximité de la ville, elle existe dès le Moyen-Âge, elle a été documentée au Moyen-Âge, au pied de la montagne Sainte-Geneviève par exemple. On hésite entre vendre son terrain cher pour la ville qui s'étend ou vendre cultiver de la vigne, qui est au Moyen-Âge la culture avec le maximum de valeur ajoutée. Et donc l'agriculture urbaine, elle est toujours dans cette recherche de technicité et de valeur ajoutée. Oui, c'est ça. Et puis, dès le XIIIe siècle. Et puis c'est de l'argent aussi, les gens savent très bien faire leurs calculs. Dites-nous, Antoine Lagneau, dans cette histoire de l'agriculture urbaine, je prends le titre d'un ouvrage que vous avez coécrit avec Marc Barra et Gilles Lecuir, Agriculture urbaine vers une réconciliation ville-nature. D'accord, réconciliation ville-nature, mais on pourrait presque dire que ville et nature ne s'étaient vraiment pas fâché en réalité. C'est que, bon, il y a eu un moment là, au XXe siècle, on sent que ça n'allait plus. Mais sur un temps très très long, ville et nature ont toujours été très proches. Oui, c'est vrai que le XXe siècle participe largement de cette déconnexion, et je suis pas certain que le XXIe siècle, pour l'instant, prenne le chemin d'une totale reconnexion, notamment dans nos métropoles. Le titre de cet ouvrage, en fait, c'était aussi un clin d'œil au-delà de la nature, pour parler de l'agriculture et de la façon dont les urbains, justement, au basculement du XXe siècle, hein, après la Seconde Guerre mondiale, comment les urbains se sont aussi coupés non seulement de la nature, mais se sont coupés de leur propre interland nourricier, de leur agriculture. Culture, je dirais, qui alimentait la ville depuis des centaines d'années, comme on vient de le dire là. Et cette coupure, en fait, était un peu symbolisée. On le voyait dans les cours d'école. Hein. Moi, je suis un enfant des années 70. On était traité de paysan quand on était un petit parisien, et que le mot paysan avait vraiment une connotation extrêmement péjorative. Donc, du coup, cette coupure là, qui a été vraiment assez manifeste, hein, après la Seconde Guerre mondiale, avec l'industrialisation de l'agriculture et donc avec l'extension de la ville et l'artificialisation tant et plus des villes, notamment encore une fois autour des métropoles, fait que voilà, on est aujourd'hui dans une situation qui plaide pour cette reconnexion. Mais l'avantage de l'agriculture urbaine, au-delà de lui assigner cette fonction productive, c'est précisément d'en faire un outil réflexif, de mon point de vue en tous les cas, sur cette nécessité de reconnecter les métropoles, les villes, à leur hinterland nourricier. Antoine Lagneau vient d'évoquer le fait que bah, c'est vrai qu'à un moment, dire oh, c'est un paysan, t'es un petit plouc, un bouseux, c'était comme une insulte. Avec ce paradoxe, Charles-François Matisse, qu'au 19e siècle, ceux qui forment la ville, et si nous prenons le cas de Paris, bah, ont tous des origines paysannes. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent les techniques d'agriculture parce qu'ils viennent de leur région, c'est l'exode rural, ils ont quitté la ferme et ils arrivent dans la ville. Donc ils ont un savoir, mais ils ne peuvent plus cultiver. Non, voilà, oui, ils l'exercent assez peu, sauf encore une fois, et je suppose qu'on y arrivera bientôt, lorsqu'on leur offre des jardins ouvriers pour cultiver leur propre petite parcelle. Je voulais juste revenir sur ce que disait Monsieur Lagneau, et pour abonder en fait cette idée de cette déconnexion en fait là entre les citadins et leur terroir. C'est-à-dire que il me semble vraiment qu'effectivement au cours du 20e siècle et particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, on a donc cette déconnexion qui s'opère et que du coup la localisation en fait des lieux de production dit quelque chose de la façon dont on conçoit la nourriture qu'on souhaite manger, et une forme de marchandisation, d'abstraction en fait des produits alimentaires qui entraîne cette déconnexion et sur laquelle on revient un petit peu aujourd'hui avec l'insistance sur la saisonnalité, les circuits courts, etc. Cette histoire des jardins ouvriers, Viviane Griveaux-Genest. Sur cette question de coupure, alors elle est bien réelle puisque les urbains aujourd'hui ont un accès, on va dire, moins spontané à cette nature urbaine. Mais malgré tout, les jardins ouvriers, c'est aussi un lieu, donc des jardins ouvriers aujourd'hui tels qu'on les pratique et tels que je les ai pratiqués en les faisant visiter, on se rend compte que c'est un lieu qui minimise cette coupure. Parce que déjà, des jardins ouvriers, c'est un lieu qui accueille pour en grande partie des personnes issues de l'immigration. Et ces gens-là, pour ces gens-là, le plus souvent, la coupure, eh bien, elle est beaucoup moins nette parce qu'ils sont originaires d'un espace où l'agriculture était beaucoup plus présente. Et même quand on vient parler à des gens qui ne sont pas issus directement d'un parcours migratoire à une ou deux générations, eh bien, en réalité, on se rend compte que les gens, ils ont quand même, dans la mémoire collective, dans leur mémoire familiale, un lien à la terre. Alors, bien sûr, de la mettre les mains dans la terre, parfois, le pas se fait pas. Enfin, il faut aider, mais on se rend compte qu'on a tous un lien à la terre, en réalité. Voilà, avec de la médiation, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui nous relie à nos origines familiales. Ici, vous êtes sur l'emplacement de la maison qu'appartenait à mes grands-parents. Alors ici, il y avait le jardin, il y avait un mur ici, c'était des marais. Il y avait des cloches, vous savez, où ils mettaient leurs légumes en dessous pour que ça pousse plus vite. Ils faisaient pousser de l'oignon, avec des vertus. Il y avait des choux aussi. Ici, c'était la campagne, c'était une partie de la campagne d'Aubervilliers, ça. Quand on a connu ce qui était ce qu'on voit maintenant, ça n'a rien de comparable. Parce que effectivement, les cabanes en planches existaient. Y a des gens qui ont vécu pendant des années et qui me sont même morts dans leur cabane en planches. Hein. Ça, c'est sûr. Alors évidemment, quand on voit ça maintenant, c'est surprenant. Vous voulez que je vous chante la petite chanson des petits gars d'Aubervilliers? Ça vous exprime Aubervilliers, finalement? Il y en a pas pour les dégoter, les petits gars, il y en a pas pour les dégoter, les petits gars d'Aubervilliers. Aubervilliers, présenté en 1992. Viviane Griveaux-Genest, je l'ai dit, vous êtes membre du collectif de défense des jardins ouvriers des vertus à Aubervilliers. On y était, hein. C'est quoi cette histoire de cloche, là, l'archive nous précisait? Ils cultivaient sous cloche. La culture sous cloche, oui, bah c'est les cultures avec les techniques de forçage qui étaient évoquées tout à l'heure. Donc soit à partir du 17e, la Quintigny propose le forçage sous châssis, donc une boîte avec une plaque de verre dessus. Et après, on va développer le forçage sous cloche. Et donc, on va voir à Montreuil, d'abord, ces cloches. Et puis Aubervilliers, initialement, était une terre de grande culture. Donc pas de maraîchage intensif comme on avait à Montreuil, mais à la faveur de la migration des maraîchers parisiens au-delà de la ceinture parisienne, eh bien les techniques de culture s'introduisent avec les cloches, etc. La plaine des vertus à Aubervilliers est un lieu de culture depuis le Moyen-Âge, vous nous l'avez dit, donc c'était pas un jardin ouvrier à l'origine, c'était là bien avant les jardins ouvriers, car les jardins ouvriers ont une histoire que l'on pourrait presque dater précisément. Charles-François Matisse, Qui est l'abbé Lemire ? Ah, alors l'abbé Lemire, le prêtre démocrate sur lequel Jean-Marie Mayer, qui vous en aurait parlé mieux que moi, a travaillé, était donc un prêtre qui enseignait au petit séminaire de Hazebrouck. Il a été député, c'était le seul, je crois, homme d'église à la Chambre pendant 35 ans, maire d'Hazebrouck. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est le fondateur de la Ligue française du coin de terre et du foyer. Alors, mais c'est pas le premier à avoir imaginé cela, l'idée des jardins ouvriers, même si elle n'est pas formulée en tant que telle, on en trouve des traces alors en Angleterre déjà dès la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, et on a en France des expérimentations, par exemple à Saint-Étienne, des compagnies minières qui prêtent en fait quelques parcelles de terre à des ouvriers. À Chantilly, par exemple, dans les années 1880, le duc d'Aumale obtient 2,5 hectares de la municipalité qu'il divise pour les prêter à des ouvriers. Mais le mouvement des jardins ouvriers vraiment est effectivement organisé par l'abbé Lemire à travers cette Ligue française du coin de terre et du foyer, dont le titre même est tout un programme. Ah oui, c'est tout un programme. Quel était l'objectif premier au moment où c'est notable? On peut le dire, pour l'abbé Lemire, c'est un peu différent, mais quand le duc d'Aumale décide de donner des terres et donc s'adresse à l'institution, on a quoi? C'est de la philanthropie, c'est que ces jeunes gens restent bien sages et qu'ils aillent cultiver leurs terres. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, pour l'abbé Lemire, on parlera. Il y a tout un mouvement qu'on appelle le terrianisme, qui dit que le travail à l'usine avilit, mais que le travail de la terre ennoblit. Et on est en plein dans les interrogations sur la question sociale, c'est-à-dire sur la dégradation physique et morale des ouvriers et des habitants des villes, qu'il faut absolument sauver de la barbarie. Et la nature en ville est un de ces éléments, et notamment une nature cultivée. En offrant ces espaces de culture, on cherche à... Et c'est très, très clairement dit. J'ai trouvé, par exemple, des chartes ou des cartes postales qui indiquent au dos les objectifs de cette ligue ou des jardins ouvriers. Et on dit très clairement, il faut tuer l'alcoolisme, par exemple. Et donc, aller cultiver son jardin, c'est sauver, justement, l'ouvrier de ses bas instincts et de ses mauvaises tendances. C'est aussi, bien sûr, il y a une dimension économique. Hein. Il s'agit de permettre à l'ouvrier de vivre correctement, d'améliorer son quotidien. Il y a même des savants calculs qui disent que 200 mètres carrés de jardin, c'est à peu près 500 francs de fruits et légumes qu'on peut produire, et donc voilà une manière de sauver l'ouvrier de la misère. Et puis c'est aussi un lieu évidemment de récréation et d'apprentissage de certaines façons d'être. Antoine Lagnon, on retrouve ici ce que vous nous disiez sur ces jardins. Ce n'est pas uniquement dans un but de produire des choses que nous n'allons pas avoir besoin d'acheter à côté. Oui, effectivement. Alors après les jardins ouvriers, aujourd'hui les jardins familiaux, en fait, qui sont c'est l'appellation qui a succédé aux jardins ouvriers. On y reviendra peut-être dans quelques instants. Mais je pense que les jardins familiaux et les jardins ouvriers donc restent un lieu où on produit. D'ailleurs, quand moi j'ai eu une parcelle de jardin familial à Dijon, on m'a reproché de ne pas la cultiver de façon, je dirais, intensive à l'image de ce qui se fait dans les jardins familiaux, et on m'a fait comprendre que voilà, on était là pour produire. Et sûrement pas pour se récréer ou pour renouer avec la nature. Donc, pour le coup, les jardins familiaux, je pense, sont vraiment là dans un objectif alimentaire. Et d'ailleurs, comme ça a été dit à l'instant, la plupart des jardiniers, durant les mois de forte production, donc en fait entre mai et septembre à peu près, alors maintenant que le changement climatique c'est un peu plus grand, cette période-là, mais ne vont plus au marché et arrivent, en gros, à cultiver légumes et petits fruits, ce qui leur permet de pouvoir justement éviter d'aller au marché. Après, en agriculture urbaine, moi je dirais que c'est un petit peu différent. Je pense que effectivement l'agriculture urbaine hors jardin familial est une agriculture davantage sociale qu'une agriculture alimentaire. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et surtout que ce n'est pas incompatible. Comment ça se passait dans les jardins ouvriers, ceux qui sont promus par l'abbé Lemire, à partir du moment où un ouvrier n'utilise pas sa parcelle à bon escient, où il ne cultive pas? Ah, ça peut très mal se passer. On a trouvé un règlement, par exemple, dans la ville de Troyes en 1900, qui avait 8 jardins ouvriers. Et alors, le jardin était donné en priorité aux familles ayant 3 enfants, parce qu'il fallait encourager, évidemment, la démographie, l'accroissement démographique de la France. Des jeunes couples qui venaient de se marier, on pouvait leur donner accès à ces jardins, mais si au bout de 3 ans, ils n'avaient pas d'enfants, hop, on leur retirait le jardin. Et on insistait, bien sûr, sur une je suis tout à fait d'accord, hein, sur une production de nourricière et variée. Il ne s'agissait absolument pas de faire de la monoculture pour vendre, ça devait être de l'autoconsommation. Sinon, là encore, on pouvait retirer le jardin à l'ouvrier. Et puis, il y avait aussi des conditions de moralité et de tenue, évidemment. Si on retombait dans l'alcool, si on se bagarrait, si on volait les légumes de son voisin, on pouvait avoir de gros problèmes également. Est-ce que c'est un succès, ces jardins, au sens où est-ce que tous les ouvriers cherchent à en avoir un et que les parcelles sont rares? Alors, c'est un succès, oui, c'est clair. Donc, le mouvement, en tout cas celui du coin de terre et du foyer, est lancé donc en 1896. Une dizaine d'années plus tard, on a déjà 12 000 jardins ouvriers. On en a 4 fois plus, donc quasiment une cinquantaine de milliers au début des années 1920. Et si je ne me trompe, après la Seconde Guerre mondiale, qui je crois le sommet de cela, mais je parle sous le couvert de mes collègues, on est à 700 000. Donc il y a un vrai succès et une vraie attente, effectivement, de la part des ouvriers. Viviane Griveaux-Jeunesse, oui, vrai succès. Alors, jardins ouvriers, jardins familiaux. Oui, oui. Et aujourd'hui encore, si on regarde le nombre d'espaces urbains créés et l'aspiration pour l'Île-de-France, des Franciliens, on voit que, donc là je parle pas seulement des jardins ouvriers familiaux, mais aussi de ce qu'on appelle jardins partagés, etc. Il y a une croissance exponentielle et une très très forte aspiration. Et donc la manière dont on fait la ville aujourd'hui, politiquement, elle n'est pas toujours raccord avec les aspirations des habitants. Antoine Lagneau, il faut que le jardin s'adapte à la ville telle qu'elle est, dans l'espoir qu'à un moment ou à un autre, les aménageurs vont penser à laisser de la place au jardin. C'est un peu comme ça qu'il faut le concevoir pour le moment. Bah, on peut l'espérer. Il y a un célèbre dispositif qui est en train d'être réfléchi et débattu avec Lausanne, notamment. Peut-être que ça nous permettra donc d'avancer sur ce sujet-là. Oui, évidemment, il faudrait que la ville s'adapte, comme vient de le souligner votre invité, s'adapte aussi à la demande et à la demande pressante, hein, des citadins, notamment. Encore une fois, je parle surtout des métropoles parce que c'est peut-être un peu moins vrai, hein, dans les villes de taille moyenne, mais dans les métropoles où c'est très très compliqué, encore une fois, de pouvoir renouer avec la nature ou même de pouvoir tout simplement respirer, hein, dans certaines d'entre elles en tous les cas. Et très clairement, oui, il faut que les aménageurs puissent comprendre qu'on ne peut pas densifier comme étant une réponse aux nécessités de ne pas artificialiser la campagne. C'est un autre débat, ça. Mais la densification n'est pas non plus la panacée pour bien vivre en ville, loin de là. Et disposer d'un jardin, ça reste non seulement d'un point de vue alimentaire intéressant, mais surtout d'un point de vue récréatif et de contact avec la nature essentiel. D'où l'importance de protéger ces petits jardins. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin. au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: De grâce, épargnez ce petit jardin, chante Jacques Dutronc. C'était en 1972 et c'est aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Dites-nous, Viviane Griveaux-Geneste, dans ce que vient d'évoquer Jacques Dutronc, hein, c'est-à-dire le béton qui gagne et cette histoire de promoteur avec ses fleurs de béton, c'est très joli, Mandy, il y a ce que nous a dit Antoine Lagneau, la loi ZAN. Alors ZAN, qu'est-ce que c'est cette chose-là? La loi ZAN, c'est zéro artificialisation nette. C'est une loi récente qui demande justement de freiner, stopper l'artificialisation dans une logique de transition écologique, puisque ça fait quelques années que le GIEC nous informe que, d'une, il faut préserver la biodiversité, que bétonner, ça nuit à la biodiversité, et en plus, le béton fait chauffer les villes, puisque le béton, c'est comme un gros radiateur. Donc, en temps de canicule, on n'a pas besoin de radiateur qui chauffe. Donc, la loi ZAN, elle a trois principes, c'est éviter, réduire et compenser. Éviter le béton, éviter l'artificialisation, si on ne peut pas éviter, réduire et en dernier recours compenser. Et en réalité, donc cette loi, elle émane de l'État, elle descend vers les opérateurs du locaux, donc intercommunalité, mairie, et ces acteurs manquent d'outillage. Et donc face aux promoteurs qui arrivent encore aujourd'hui avec sa fleur de béton, en faisant miroiter aussi une plus-value ou des gens mal logés, etc., j'en passe, alors qu'il y a plein de logements vides à Paris, par exemple, eh bien, on saute directement à compenser. Ce qui fait que moi, mon jardin détruit, eh bien, il a été compensé. On me dit, y a pas de problème, vous aviez travaillé votre terre pendant 3 ans, il y avait des lombrics, mais c'est pas grave, on compense. Vous avez un autre terrain qui n'a rien à voir, et tout le monde est content. Et en réalité, non, la loi ZAN, pour que ça marche, il faudrait qu'on se tienne à la consigne, c'est-à-dire commencer par éviter, éviter drastiquement. Mais éviter avant tout ce que vous évoquez là, Viviane Griveaux-Geneste, c'est aussi la connaissance, et c'est ce qui nous intéresse, hein, la transmission, savoir comment on cultive. Quand on coupe un arbre, ce n'est pas en replantant un arbre 2 heures plus tard qu'on remplace l'arbre qui était peut-être centenaire et qui a été coupé, Charles-François Matisse. Oui, surtout que cultiver en ville suppose quand même de cultiver sur des terrains parfois qui ont été quand même très pollués, très travaillés, qui ne sont pas toujours des terrains de très grande qualité. Donc en trouver d'autres et permettre une culture sur ces terres n'a rien d'évident. Parce qu'il y a des métaux lourds, que ça coûte très cher aussi de savoir si la terre peut être cultivée correctement, et ça entraîne des incompréhensions. Donc c'est par exemple... à Rennes, je crois, il y a les prairies Saint-Martin qui étaient cultivées, qui étaient des jardins familiaux cultivés depuis les années 20. Et on a découvert au début des années 2010 que, en fait, cette terre était très polluée. Et donc, on a voulu les transformer en parc et donc interdire aux gens de cultiver dessus, suscitant l'incompréhension des riverains qui cultivaient depuis des décennies sur ces terres-là. Donc, il y a tout un jeu, en fait, assez compliqué autour de cela. Justement, direction Rennes. À la page régionale, pour terminer, l'idée est pas bête du tout, lancée à Rennes, où on a créé des jardins familiaux au milieu des HLM et du béton des quartiers périphériques, des jardins de 100 ou 200 mètres carrés attribués aux familles modestes ou aux retraités. Explication d'un responsable de la municipalité de Rennes, Jacques Rubion, au micro d'Henri Vincent. Les jardins familiaux vont avoir différentes fonctions, une fonction sociale, fonction détente, fonction économique et fonction écologique. La fonction sociale, dans la mesure où ils permettent de nouvelles relations actuellement difficiles ou même impossibles dans le cadre du quartier existant. Détente, le jardinage est une activité de loisir au même titre que les autres activités, comme il est agréable de se défouler après une journée harassante. Et en plus, il est toujours agréable de manger les produits de son jardin. On fait des économies d'une part, et lorsqu'on peut aussi aller se détendre dans son jardin sans avoir à parcourir quelques dizaines, voire quelques centaines de kilomètres, je pense que nous œuvrons aussi pour les économies d'énergie. Ah oui, bah tout est dit, mais nous étions en 1980. Alors les économies d'énergie, c'était dans un autre contexte et peut-être avec d'autres préoccupations. Mais à Rennes, il y avait cette réflexion avec ces jardins familiaux. Antoine Lagneau, mais ce n'est pas tout de dire il faut offrir des jardins familiaux. Nous l'avons évoqué à l'instant, on ne donne pas n'importe quelle terre, on ne cultive pas n'importe où. Et puis, faut aménager, mais faut bien être au plus près des besoins des gens qui vont cultiver ces jardins. C'est pas simple, hein? Non, c'est pas simple, et c'est ce qui est intéressant dans votre extrait sonore, c'est qu'effectivement ça date de 1980 et qu'on voit bien notamment là qu'il s'agit d'une implantation à côté donc de grands ensembles, ou même dans les grands ensembles eux-mêmes. Il y a un programme de l'Agence nationale de rénovation urbaine qui a débuté, qui s'est terminé, c'était un programme, un appel à projet sur 2 ans, qui s'appelle Quartier Fertile, qui vise, et c'est la terminologie de Delanru, hein, à massifier l'agriculture urbaine dans les quartiers, et cette notion de massification, elle est importante. Parce que quand vous dites qu'effectivement il est nécessaire d'écouter les habitants pour savoir ce qu'ils veulent par rapport à ces besoins alimentaires ou agricoles, on peut imaginer justement que des dispositifs qui seraient un peu trop descendants soient une forme d'injonction à cultiver. Alors je suis pas en train de dire que Quartier Fertile et Lanru ont obligé en quelque sorte les habitants de ces quartiers à cultiver, mais par contre la nécessité, et c'est assez au cœur tout de même aussi de la question de l'agriculture urbaine et de ce retour de la question agricole en ville, la nécessité au fond d'avoir un débat démocratique et en tous les cas des échanges poussés avec les habitants sur ce qu'ils souhaitent. Est-ce qu'au fond vraiment dans les quartiers de grands ensembles il est souhaitable d'avoir des fermes urbaines, ou est-ce qu'au contraire, parce que c'était l'idée, hein, avec le programme de Lanru, d'avoir des fermes urbaines, ou est-ce qu'au contraire il faut développer davantage de jardins familiaux? Moi personnellement, je crois vraiment que le jardin familial répond davantage, et encore une fois on le voit avec cet extrait de 1980, répond davantage à ce besoin, parce qu'il y a quelque part une forme de, je dirais, d'autodétermination alimentaire dans cet espace-là. On produit ce qu'on a envie de manger, on sort un petit peu, justement tout à l'heure, comment monsieur Charles-François Matisse disait, on est dans une abstraction des produits alimentaires. Oui, c'est ça justement, aujourd'hui avec les grandes surfaces, etc., on a perdu aussi le lien avec les produits alimentaires, et le fait de retrouver avec le jardin familial, avec la possibilité de cultiver son potager, un lien à ce que l'on mange, parce qu'on sait d'où ça provient, c'est de son jardin, ça me semble extrêmement important, et pas déconnecté pour le coup d'une forme d'agriculture urbaine qui serait un petit peu descendante et un petit peu trop générale par rapport à ce que peuvent attendre les habitants de ces quartiers. Le programme de Lanru, hein, c'est ce programme national de rénovation urbaine avec ces jardins ouvriers qui deviennent des jardins familiaux. Charles-François Baptiste, comment s'opère le passage de l'un à l'autre? Oui, alors c'était très intéressant justement dans cet extrait de voir évoquer les différentes dimensions sociales, économiques, de détente, qui sont déjà là en fait aux origines, mais avec justement des accents qui varient un petit peu au fil du temps. Donc on a bien vu la dimension un peu paternaliste au départ de ces jardins ouvriers, qui s'ouvrent à d'autres catégories sociales dans l'entre-deux-guerres, des petits fonctionnaires, des petits employés, et qui du coup échappent progressivement en fait à cette emprise un peu paternaliste et ce que disait monsieur Lagneau de top down en fait de d'injonction par le haut, et on peut vraiment parler du coup de jardins des ouvriers qui deviennent donc des jardins familiaux après la Seconde Guerre mondiale, avec l'insistance ici beaucoup plus sur la dimension justement de récréative, de sociabilité. Bien sûr qu'on continue à produire, mais c'est aussi un lieu où on se détend, comme le disait l'extrait sonore, où on se retrouve en famille, où on échange avec les voisins, des pratiques, des traités de culture, etc. Et aujourd'hui, on a d'autres motivations encore, d'insertion par exemple. Viviane Griveaux-Genest. Alors oui, je rebondis sur cette question d'approche descendante ou d'injonction. Par exemple, dans le cadre des négociations que les jardins ouvriers d'Aubervilliers ont eues avec Grand Paris Aménagement, Grand Paris Aménagement a dit, bon, nous on va bétonner, mais pour vous consoler, on va vous refaire vos cabanes. On va vous refaire des belles cabanes en béton. Mais en réalité, on a toutes les écoles d'architectes qui sont venues voir ces cabanes et qui ont dit que c'était un témoignage d'autoconstruction et d'appropriation de l'habitat. Et donc que ces jardins sont un lieu aussi d'émancipation, parce que c'est un des rares endroits où on peut cultiver comme on veut, on peut faire son propre petit paysage, on peut construire sa cabane. Et donc ce que l'aménageur voyait comme une forme de bidonville, qu'il ne disait pas poliment, mais on l'a entendu dans d'autres endroits, notamment à Besançon. Eh bien, pour les acteurs, pour les occupants, c'est un lieu d'émancipation. Et ça, c'est très très important d'avoir en tête que un jardin ouvrier, c'est aussi autre chose que le paysage propre que veulent les aménageurs avec une belle pelouse, un écoquartier, etc., etc. Oui, la cabane pour mettre les outils doit être construite de briques et de brocs direction Aubervilliers au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. José Pereira, qu'on appelle Joseph dans le quartier où il habite depuis pas mal d'années, est d'origine portugaise. Il a 53 ans, mais en paraît davantage. Il travaillait comme manœuvre dans la charpente en bois et n'a jamais eu beaucoup de chance. Toujours des ennuis. Quand quelqu'un tombait d'un échafaudage, c'était toujours lui. Très fatigué, il vivote, il bricole et, en bon serviteur de la nature, il suit chaque jour, sans le savoir, le conseil du philosophe « Cultivons notre jardin ». Puis rentre dans son modeste pavillon, où le pain est précautionneusement suspendu au plafond, à cause des rats. Le film Aubervilliers, en 1946, un film d'Élie Lothar, des commentaires de Jacques Prévert, dit par Roger Pigault, une musique de Vladimir Cosma. Ah bah oui, il n'y a que du beau monde. Viviane Griveaux-Jeunesse, dans ce cas d'Aubervilliers, mais je pense que ça peut s'appliquer partout, il y a l'idée de transmission, ce dialogue entre les générations, ces premiers arrivants au 19e siècle qui quittaient leur campagne, savaient comment cultiver. Pas simple de cultiver, c'est pas parce qu'on vous donne un bout de terre qu'on va savoir faire pousser quelque chose dessus. Comment se construit ce dialogue ? Effectivement, les jardins ouvriers, c'est un lieu de transmission entre les générations, mais aussi entre des horizons culturels variés. Et ça, c'est très important. On l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait sonore. Il était fait état de liens sociaux. À Aubervilliers, on a 150 nationalités issues de parcours migratoires parfois difficiles. Ces nationalités ne se rencontrent pas dans la rue, voir si elles se rencontrent, ça peut être difficile. Et dans les jardins ouvriers, c'est un des rares cas où on peut rencontrer autour d'un enjeu pacifiant, la nourriture, l'autre, et des différences culturelles. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup jardiné avec ma petite fille. J'avais une fille en très bas âge quand j'ai commencé à jardiner. Je la promenais en porte-bébé. Et des gens me disaient « Ah bah c'est bien, tu la portes, chez nous on fait ça aussi, on fait ça jusqu'à 3 ans, on fait ça jusqu'à 2 ans ». Et ces discussions, on ne peut pas les avoir dans la rue, les gens ne vont pas nous apostropher. Et après, on peut aussi parler légumes, et les gens disent « Ah bah tiens, moi les fèves, je les cultive comme ça, moi je mange l'écosse, ça se mange comme ça dans le couscous ». Et on découvre des choses, on découvre des manières de cultiver, il faut casser les tiges des oignons pour que ça soit plus gros, c'est plus ou moins avéré. Enfin, chacun vient avec sa technique de son milieu d'origine et ça fait quelque chose, un vivre ensemble. Et ça, en fait, les gens viennent autant pour la productivité que pour ce vivre ensemble et ce cadre de vie. Avoir ce sujet de conversation, c'est prégnant, c'est là, c'est en train de pousser Antoine Lagneau, l'importance de l'échange dans cette histoire des jardins ouvriers et des jardins familiaux. Oui, effectivement, c'est très justement dit par Viviane Griveaux-Jeunet, hein, c'est cette importance de la transmission et je dirais même pour ce qu'on pourrait appeler les nouveaux convertis. Puisque depuis le début du 21e siècle, alors le mouvement a commencé plutôt sur la fin du 20e, mais depuis le début du 21e siècle, on assiste à une explosion des jardins partagés notamment, et de fait une remise au goût du jour des jardins familiaux, parce que on l'a peut-être pas dit, mais malgré tout les jardins familiaux, ça a pas connu une histoire linéaire. Il y a eu un pic effectivement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à peu près 700 000 jardins familiaux, et puis il y a eu mine de rien un creux parce que on s'en était désintéressé. De fait, l'agriculture, l'agroalimentaire nous permettait d'avoir des produits à disposition dans les grandes surfaces et on n'avait plus besoin d'aller cultiver son jardin, comme le disait également la chanson. Mais du coup, c'est vrai que cette importance de la transmission, elle se vérifie. Les jardins partagés sont des espaces qui permettent justement, tout est dans le nom, hein, des jardins partagés, de pouvoir échanger, de pouvoir transmettre et des savoirs, des savoir-faire. Et ça, de ce point de vue-là, c'est très très clairement une vraie réussite de ce mouvement-là, hein, qui encore une fois a une vingtaine d'années. Je pense que c'est aussi une réussite parce que ça nous ramène à une autre question qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres, hein, que de nombreux philosophes se sont emparés. Hein, je pense à des gens comme Morisot, Descola, etc. Cette reconnexion au vivant non humain, plus précisément. Et ça, de ce point de vue-là, c'est aussi, je pense, à souligner parce que en s'intéressant à ce que l'on produit, on s'intéresse évidemment à la nature. J'ai un peu de mal à dire ce mot parce que aujourd'hui c'est plein de sous-entendus de parler de nature, mais quoi qu'il en soit, on s'intéresse précisément à ce vivant non humain. Et donc il y a vraiment quelque chose là d'assez fondamental et d'un enjeu assez majeur, notamment pour nos villes au XXIe siècle. Viviane Grivaud-Genès. Je suis tout à fait d'accord avec cette réflexion sur cette idée de reconnexion à d'autres êtres vivants. Quand on a commencé à voir la perspective d'une destruction des jardins ouvriers se profiler au sein du collectif, on a tenu à rencontrer les acteurs publics. Et quand on a fait valoir qu'il y avait des espèces protégées, de nombreuses espèces protégées qui vivent sur ce site parce qu'il n'y a pas de trame verte dans le 93, ou très peu et très discontinue, eh bien, moi, je me suis entendu dire que j'avais un positionnement mystique. Et en réalité, cette réponse de l'aménageur, elle témoigne d'un mépris fondamental de l'aspiration de tout un chacun à entretenir des liens avec le vivant en ville. Et c'est ça que permettent vraiment ces jardins. Allez savoir, peut-être que cet aménageur connaissait bien son histoire, connaissait l'origine de la Plaine des Vertus et l'œuvre de l'abbé Lemire. Et donc il a vu de quelque chose de mystique partout. Charles-François Matisse, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez participé à ces petits manuels de la grande transition, ces regards indiscipliné des sciences humaines et sociales, c'est publié au Lien qui libère, et vous êtes l'auteur de La civilisation du charbon. Dans cette réflexion sur une histoire du 19e siècle, du 20e siècle, avec un regard à la fois d'histoire économique, culturelle et sociale, dans ces jardins ouvriers, on a à concentrer toujours historiens, historiennes, à la recherche de ces lieux de contact. Alors, c'est pas tant lieu de contact direct, mais c'est lieu de sociabilisation, ces jardins-là. Oui, pleinement. Et dès le départ, encore une fois, vraiment, ces échanges que vous évoquiez auparavant entre pratiques agricoles, ils ont d'abord été, encore une fois, encouragés. Enfin, on avait des instructions venant du haut, justement, suggérant le type de culture. Et puis, encore une fois, progressivement, les ouvriers, puis les employés et les familles qui s'installaient là-bas se sont ressaisis, en quelque sorte, de ces injonctions et ont su justement partager, proposer des choses et partager des expériences. Et je voulais juste revenir aussi sur ce que disaient mes collègues auparavant avec cette idée de reconnexion à la terre. Ce qui est intéressant également qu'on voit depuis une trentaine d'années, c'est la prise en compte justement du lien des villes à leur environnement à différentes échelles. C'est-à-dire que avec les plans d'aménagement à différentes échelles, que ce soit régionales ou locales, on essaye tant bien que mal, par les trames vertes, les trames bleues et par différents corridors écologiques, à relier les villes, non seulement la nature dans les villes, à la nature qui les entoure et qui les entoure de plus en plus loin. Revenant justement, autant que possible, et c'est encore très balbutiant, mais à ce lien et à cette reconnexion à la terre qu'on évoquait auparavant. Oui, parce qu'on peut pas faire autrement. Dans la situation actuelle, Viviane Grivaud-Genès, nous le voyons bien. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un délire de retour à des vieilles traditions et c'est si charmant, ces petits cabanons avec un petit bout de terrain. C'est aussi une vraie réflexion qui est écologique sans doute, mais sociale aussi. C'est très important avec ce lien que crée le jardin. Oui, et c'est pas que social dans ce que j'évoquais précédemment. À Aubervilliers, par exemple, le fait qu'il n'y ait que 1,42 mètre carré d'espace vert par habitant, ce qui en fait une ville très très bétonnée pour l'Île-de-France, eh bien ça se paye à chaque canicule. Et donc, pour avoir testé la température de nuit entre chez moi et mon jardin ouvrier, qui sont à 15 minutes de distance. Chez moi, c'est dans un quartier très bétonné. Le jardin, c'est le jardin. Eh bien, il y avait environ 10 degrés d'écart la nuit, en temps de canicule. Et donc, aujourd'hui, l'état actuel où on est nous fait aussi redécouvrir que non, c'est pas du luxe, c'est une nécessité vitale si on veut éviter que les villes soient meurtrières. et que nous en soyons les victimes, Charles-François Mathis. Oui, il y a donc en fait une dimension politique, très clairement, dans la mise en avant de cette végétalisation et des jardins ouvriers, comme on le voit par exemple dans le mouvement de la guérilla jardinière, qui naît dans les années 70 aux États-Unis et qui prend une dimension plus politique et plus idéologique au début des années 2000, et qui encourage justement cette végétalisation à tout crin, un peu partout. Alors, pas seulement de légumes et de produits nourriciers, mais aussi, et qui donc encourage à produire et à planter dans des bacs, dans des interstices urbains, parfois de façon justement un petit peu sauvage, avec des bombes végétales, et qui mettent en avant justement, encore une fois, cette idée que les citadins doivent se ressaisir de leur espace urbain pour l'aménager eux-mêmes et le végétaliser. Avec l'importance de toujours écouter ceux qui sont les spécialistes pour savoir comment ça pousse, parce que c'est pas tout planté n'importe comment. Après, si ça pousse pas, ça donnera rien. Mais en tout cas, nous avons compris l'importance, et pas uniquement une importance écologique, c'est bien au-delà de cette histoire des jardins ouvriers, jardins familiaux. Merci beaucoup à tous les trois. Antoine Lagneau depuis Besançon, merci beaucoup aux équipes de France Bleu. Viviane Griveaux-Genest, ce collectif de défense des jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers, et vous, Charles-François Mathis. Et je rappelle, c'est petit manuel de la grande transition sur les sciences humaines et sociales, et puis cette civilisation du charbon. Il est temps, c'est à lui d'aller au charbon. C'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Pourquoi la sœur de Saint-Louis fut-elle surnommée la Vierge Savante? Dans l'ouvrage intitulé « Une chambre à soi » publié en 1929, Virginia Woolf imagine que Shakespeare a eu une sœur. Elle la décrit comme une femme talentueuse, brûlant, elle aussi, du désir de voir le monde tel qu'il est. Mais confinée dans la sphère domestique réservée au sexe féminin, elle refuse le mariage que son père voulait lui imposer et finit par se suicider. Cette fiction m'a rappelé un personnage bien réel de notre histoire nationale. Il s'agit d'Isabelle de France, l'unique sœur de Louis IX. Née en 1225, cette femme lettrée, qui valorisait la culture savante, refusa elle aussi tous les mariages que son père et ses frères voulurent lui imposer. Elle ne s'est pas suicidée, mais elle a choisi de se retirer du monde en s'enfermant jusqu'à sa mort en 1270 dans le monastère qu'elle avait fondé. Le destin d'Isabelle de France est à peine évoqué dans les biographies de Saint-Louis, car les sources écrites la concernant sont rares. On dispose pourtant d'un document intitulé « La vie d'Isabelle de France », rédigé par son ancienne dame de compagnie, Agnès d'Harcourt, à la demande de Charles d'Anjou, un autre frère d'Isabelle, dans l'optique de son éventuelle canonisation par le pape. La démonstration est alimentée par les stéréotypes habituels que l'on trouve dans ce genre de récits hagiographiques. Agnès d'Harcourt insiste sur la vocation religieuse précoce d'Isabelle, son refus du luxe, sa chasteté, la pratique intense du jeûne et de la prière. Pourtant, ce document présente un réel intérêt pour la recherche historique. C'est l'un des premiers textes en prose écrits en français dont l'auteur est une femme. Le souci constant de vérité exprimé par Agnès d'Harcourt donne à son œuvre une valeur qui dépasse le cadre classique des récits hagiographiques. Elle rapporte des faits vus ou entendus par elle-même ou par des témoins directs et prend toujours soin de citer ses sources. Ce texte nous permet aussi de mieux comprendre la façon dont était perçue la sainteté féminine au XIIIe siècle. Les confesseurs franciscains jouèrent un rôle essentiel dans la vie d'Isabelle, comme dans celle de son frère Louis. C'est sous leur influence que le thème de la souffrance corporelle, associé à la chasteté, fut alors privilégié pour justifier qu'une femme puisse être considérée comme une sainte. Finalement, Isabelle de France ressemble à la sœur de Shakespeare telle que Virginia Woolf l'a imaginée, au sens où elle a résisté aux normes qu'on voulait lui imposer avec les moyens dont une femme pouvait disposer à cette époque. En refusant tous les époux prestigieux qui lui furent proposés, elle s'opposa clairement aux obligations liées à son statut de princesse royale, ce qui était à l'époque exceptionnel. Dans son texte, Agnès d'Harcourt souligne qu'Isabelle a reproduit dans son comportement religieux, dans ses œuvres de miséricorde et dans ses actes de piété, le modèle de son frère. On peut toutefois ajouter que ce dernier a concrétisé ce modèle en exerçant le pouvoir d'État, alors que c'est l'union mystique avec le Christ qui a servi de modèle pour Isabelle. J'ajoute qu'elle n'a jamais été canonisée, à la différence de son frère, le Saint-Louis de nos manuels d'histoire. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne-Toscane Viudès, Jeanne Coppe, Julien Tilly et Mayouen Guizhou. Merci à l'Institut National de l'Audiovisuel, le cours de l'histoire. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. France Culture présente Le secret de la licorne. En offrant à son ami Haddock le modèle réduit d'un navire, Tintin ne se doutait pas que cette maquette était la réplique de la licorne que commandait un aïeul du capitaine. Et je suis persuadé que si nous parvenons à réunir les trois parchemins, nous découvrirons les diamants de Rackham le Rouge. Et je sais déjà où trouver le second. Venez, capitaine! Cette découverte va les mettre sur la piste d'un mystérieux trésor. Les aventures de Tintin, le secret de la licorne, un podcast réalisé par Benjamin Habitant sur franceculture.fr et l'appli Radio France.